Chapitre 6e, la prison de Saint-Joseph, le procès, nouvelle captivité, condamnation. À Weston, on s'arrêta une demi-heure. La foule vint, selon son habitude, insulter les abolitionnistes et finit par leur offrir un verre de grog qu'ils refusèrent. Le long de la route, les cavaliers de l'escorte qui marchaient en avant avertissaient de leur passage et les habitants sortaient pour les voir. Les chemins étaient presque impraticables et on n'atteignit Saint-Joseph qu'à la nuit. La prison, vieux bâtiment en briques élevé d'un étage, est située au centre de la ville et une palissade haute de 12 pieds entoure la cour dans laquelle se trouve l'édifice destiné aux prisonniers. Pendant que Madame Doyle se faisait conduire à un hôtel voisin, le shérif du comté de Buchanan reçut les prisonniers et les remit aux mains du geôlier, un nommé Brocon, natif du Kentucky. Le docteur, qui souffrait beaucoup de l'enflure de ses chevilles et de ses poignets, demanda la faveur d'être débarrassé de ses fers pour la nuit. Mais il ne put l'obtenir, car le shérif, craignant toujours quelque tentative pour la délivrance des prisonniers, avait ordonné qu'on ne leur ôtât pas leurs chaînes. Quand il fit jour, le docteur et son fils reconnurent qu'ils étaient enfermés avec 9 autres individus, accusés les uns de meurtre, les autres de vol. Un autre était un faussaire. Les 2 abolitionnistes étaient seuls enchaînés. « Nos avocats, M. Shannon, Davis et Spiat, dit le docteur, arrivèrent pour délibérer, et aussitôt que le geôlier eut détaché nos chaînes, on nous mena au palais de justice. Les rues et la salle d'audience elle-même étaient remplies d'une foule de curieux. Notre cause était inscrite en premier sur le bulletin d'audience, mais elle fut remise à la séance du lendemain par suite de l'absence du maire de Weston, Wood, que nos avocats considéraient comme un témoin indispensable. Ce Wood était le même gentleman qui m'avait si positivement engagé sa parole et son honneur sur une fausse promesse pour me décider à monter dans le bateau et je ne l'avais pas revu depuis. Il prétendait être propriétaire de l'esclave Dick trouvé dans mon fourgon et qu'on nous accusait d'avoir fait disparaître. Le lendemain, quoique Wood fût encore absent, le procès suivit son cours. On commença par ma cause, que l'on avait séparée de celle de mon fils. On procéda à la nomination des jurés, hommes assez loyaux en apparence, presque tous de Saint-Joseph. Le juge Norton présidait. Je me déclarai innocent. Les témoins à charge confirmèrent les détails de notre arrestation. Relativement à Dick, ils attestèrent que cet esclave, après avoir disparu pendant quelques jours de chez son maître Wood, avait été retrouvé dans mon fourgon, d'où on l'avait enlevé sans autre forme de procès. Le ministère public produisit une déposition écrite de Wood, affirmant que Dick avait reçu de lui la permission d'aller au Kansas avec son violon pour en tirer parti, qu'il n'était pas revenu avant l'époque convenue et qu'on l'avait arrêté avec moi. De notre côté, nous opposions un alibi, prouvant que je n'étais point venu dans le Missouri avant d'avoir été enlevé par les bordeaux ruffians, et qu'à l'époque où j'étais accusé d'avoir provoqué la fuite de Dick, j'étais à Lawrence, dans une ferme, occupée de mes affaires. Mes défenseurs firent des merveilles et prononcèrent des discours que je trouvais fort beaux. L'accusation fut soutenue avec énergie par les 4 avocats du gouvernement, parmi lesquels se trouvaient un général et 2 colonels. Déploiement formidable de forces militaires, contre un seul et malheureux prisonnier. Le juge Norton se montra parfaitement juste et impartial. Quant au jury, il ne put se mettre d'accord. Il n'avait pas été composé spécialement pour ma cause, et on avait pu l'engager d'avance à nous juger selon les vœux des propriétaires et des chasseurs d'esclaves. J'ai su depuis que sur 12 jurés, 11, sans s'inquiéter des conséquences que devait entraîner mon acquittement, avaient osé peser le pour et le contre et conclure enfin à l'insuffisance de preuves pour me condamner. Le procès dura depuis le jeudi jusqu'au samedi soir. Ce jour-là, à 9 heures, le jugement fut remis à la délibération des jurés. Ceux-ci, après les efforts réitérés pour se mettre d'accord, ne purent s'entendre et furent enfin congédiés le dimanche à 2 heures. Le lundi, l'avocat du ministère public, qui ne pouvait prononcer de condamnation contre moi, déclara qu'en l'absence de motif de poursuite, mon fils allait être rendu à la liberté. Quant à moi, je fus tenu de donner, comme cautionnement, une somme de $5,000 ou de rester en prison jusqu'au 20 juin, délai fixé par la cour pour la reprise de mon procès. J'avais peu de chance de trouver un répondant, car je ne connaissais personne dans le Missouri. Mes amis offrirent $2,000 en biens meubles au Kansas, comme garantie à celui qui voudrait me cautionner. Personne ne se présenta, car chacun craignait, en me venant en aide, de paraître favorable à un abolitionniste. Je me décidai donc à attendre patiemment en prison le délai fixé, bien que ce nouveau procès ne pût être qu'une simple formalité et que tout dut être décidé auparavant. Mon fils retourna à Lorenz avec sa mère et plusieurs membres de ma famille qui étaient venus pour me servir de témoin. Il alla chercher l'argent nécessaire pour subvenir aux frais énormes de mon procès. Pour moi, ma position dans cette nouvelle prison était tolérable. Ma chambre avait 16 pieds carrés et une petite fenêtre grillée de chaque côté. L'une, plus élevée que la palissade, donnait sur la rue. Par l'autre, on pouvait apercevoir au loin le territoire du Kansas, dont la rivière nous séparait. Ma cellule était un paradis en comparaison de celle que j'occupais à Platte City. Nous ne manquions pas d'espace. Nous avions des matelas et des couvertures. Malheureusement, tout cela était couvert de vermine, malgré les soins incessants du geôlier et de sa femme. Je fus presque constamment malade pendant mon séjour à Saint-Joseph, si malade même qu'on jugea nécessaire de m'amener 2 médecins, car on craignait, si je succombais, que ma mort ne fût regardée comme un assassinat et imputée aux gens du Missouri. Dans cette occasion, comme dans toutes les autres, le geôlier Brocon et sa femme furent très bons pour moi. Ils me procurèrent un lit de sangle et bien d'autres soulagements. Ils ont beaucoup contribué à mon rétablissement. Le 24 avril, la porte de ma chambre s'ouvrit, et je vis entrer un mulâtre qui marcha droit à moi et me dit, en me tendant la main, « Comment vous portez-vous, docteur Doyle ?» Il y avait à la porte des gens armés de revolvers, et soupçonnant quelques pièges, je répondis à cet homme en le regardant en face. « Étranger, je crois que vous vous trompez. »« Oh non, » reprit-il, « je vous ai bien connu à Lorenz. » Persuadé que cette démarche était une ruse pour me mêler de quelque façon à une fuite d'esclaves, je m'adressai aux gens qui se tenaient à la porte et les sommai de venir me questionner eux-mêmes, comme il convenait à des hommes, s'ils avaient quelque chose à me demander, au lieu de se servir d'un malheureux esclave brisé, avili, contraint par eux de jouer un rôle. À cet appel, un individu nommé Hutchinson, grand, bouffi, roux, qui prétendait être le maître de ce malheureux mulâtre, se présenta. Il me reprocha d'avoir fait le plus grand mal à son esclave, d'avoir réveillé en lui le mécontentement, et de lui avoir enseigné le chemin du Kansas par une de mes tentatives en faveur de l'émancipation des nègres. Comme il me traitait, selon l'habitude de ses compatriotes, de damné voleur de nègres, une altercation assez vive s'ensuivit. Je lui demandai si ce n'était pas assez de m'avoir enlevé de chez moi, de m'avoir désarmé, volé, emprisonné en pays étranger, sans venir ainsi insulter dans sa prison un homme malade et sans défense. Ils me quittèrent enfin sans avoir atteint leur but et enfermèrent le mulâtre dans la chambre du rez-de-chaussée. Mon attitude dans cette circonstance n'était qu'une feinte. Je connaissais en effet ce mulâtre. C'était Charles Fisher, homme libre, qui avait exercé à Lorenz la profession de barbier et que les chasseurs d'esclaves avaient enlevé par trahison. Dès que tout bruit eut cessé, je fis passer à Fisher un billet au crayon pour lui demander l'explication de sa conduite. Il me répondit qu'il était fâché de ce qu'il avait fait, mais qu'il n'avait pu refuser d'obéir, Hutchinson lui ayant dicté son rôle. Il me donna en même temps quelques détails sur son enlèvement. Enfin, le 20 juin s'ouvrit la session de la cour d'assises du comté de Buchanan. Le juge Norton présidait. Ma cause fut appelée le second jour. Mes défenseurs étaient les mêmes qu'auparavant. Le colonel Domphan, qui avait déjà parlé contre moi la première fois, était le seul avocat du ministère public, car je ne compte pas un accusateur volontaire dont il sera question plus loin. Le maire Wood, présent cette fois, ne put que répéter de vive voix sa déposition écrite relative à l'esclave Dick. Comme j'avais fait, quelque temps avant mon arrestation, un voyage à Holton, l'accusation cherche à prouver que dans cette excursion, je m'étais proposé de jeter le mécontentement dans l'esprit des esclaves. Mes avocats me défendirent fort bien. Du reste, ils n'avaient qu'à exposer la vérité. Mais le juge, en résumant son appréciation, trouva que le jury pouvait conclure à la culpabilité d'après les faits énoncés. Autrement, il se montra juste et impartial dans ses décisions et ses instructions. L'accusateur volontaire auquel j'ai fait allusion était l'honorable James Crowe, membre de l'Assemblée fédérale, représentant pour le Missouri de l'Ouest. Par un motif que j'ignore, peut-être pour se rendre populaire, il se montrait très affairé dans mon procès, agissant comme intermédiaire entre l'avocat du gouvernement et le jury. Il allait sans cesse de l'un à l'autre, exposant sans nul doute à chacun les raisons qu'il jugeait propres à exercer quelque influence sur les décisions. Si sa physionomie n'eût pas dénoté sa malveillance, il eût été amusant de le voir, d'un air empressé, parler à un de ses jurés, passer à un autre, et dans la chaleur de ses arguments, lever le doigt qu'il secouait à la hauteur de leur figure. Dans nul état du Nord, on aurait toléré une pareille intervention. Peut-être les raisons émises par l'honorable membre du Congrès eurent-elles leur effet, car après avoir délibéré un jour et une nuit, et avoir été pendant ce temps accessible, à l'heure des repas, à tous ceux qui voulaient leur parler, les jurés me déclarèrent coupable, malgré la loi et l'évidence, et me condamnèrent à 5 années d'emprisonnement et de travaux forcés au pénitencier. Mes défenseurs signèrent une liste d'objections et demandèrent en appeler à la Cour suprême, ce qui fut accepté. La sentence fut donc prononcée, mais l'exécution en fut ajournée jusqu'à ce que le résultat de notre appel fût connu.